Na na na na na na. Bonjour, vous êtes à l'écoute d'Angle d'attaque sur les 106,6 MHz de Radio Campus. On tape plus sur le site campuslille.com ou bien depuis notre archive d'émission, tiens. ATTAC, A2TAC, c'est l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Le sujet du jour, ce ne sont pas les inondations meurtrières de Valence, ni les inondations destructrices du Pas-de-Calais de l'hiver dernier, ni les inondations de 2022 au Pakistan qui avaient tué 1700 personnes et détruit ou endommagé 2 millions d'habitations, ni les inondations du nord de l'Europe en 2021 qui avaient tué 280 personnes. Et non, ce n'est pas le sujet du jour, mais on va vous parler d'inaction climatique et d'adaptation ou de maladaptation au changement climatique. Du coup, mon introduction n'est pas totalement hors de propos, c'est toujours ça de pris. Autour de la table ce matin, nous avons Morgane. Oui. Ludovic. Bonjour. Et Florent. Bonjour. Et notre invité du jour est François Béni, docteur en paléoclimatologie, qui a piloté la vulgarisation du rapport du GIEC pour l'association des shifters. Bonjour. Bonjour. Du coup, est-ce que vous sauriez nous expliquer ce que c'est qu'un docteur en paléoclimatologie ? Ça va nous être nécessaire pour la suite de l'émission. Oui, bien sûr. Donc un docteur en paléoclimatologie, c'est quelqu'un qui étudie en fait les changements climatiques dans le passé. Donc comment évoluaient les changements climatiques ? Eh bien, ça peut être aussi bien sur les derniers 20 000 ans qu'il y a 4 milliards d'années en arrière. Donc moi, c'est plutôt sur les derniers 30 000 ans que j'ai étudié, donc depuis la dernière phase glaciaire. D'accord, très bien. Eh bien, on va commencer avec une question de Morgane. Oui, alors on se souvient un peu des propos d'Emmanuel Macron qui disait que la France faisait déjà bien assez pour l'écologie et que même on pouvait se permettre de faire une petite pause au niveau des normes écologiques en fait. Pourtant, est-ce qu'on peut voir dans les rapports sur l'évolution du climat, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau de l'action climatique ou plutôt de l'inaction climatique ? Effectivement, il y a plusieurs rapports qui étudient ça, il y a même plusieurs structures. Donc il y a d'abord le GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui lors de son rapport sorti en 2021 jusqu'à 2023, eh bien ils nous ont dit qu'en 2020, en fonction des politiques qui étaient mises en œuvre, donc là je ne parle pas du tout des promesses, je parle de ce qui est concrètement mis en œuvre dans les politiques, eh bien ça nous menait à un réchauffement de plus 3,2 degrés Celsius à 2100. Donc ça, c'est les politiques, ça engendre des émissions, et le résultat, c'est plus 3,2 degrés en 2100. Donc là, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas totalement une inaction complète, parce qu'il y a des choses qui sont faites, mais ben, on voit bien que ce n'est pas suffisant, parce que plus 3,2 degrés, on est quand même très très loin de l'accord de Paris. Alors après, il y a d'autres rapports, donc il y a l'Agence internationale de l'énergie, dans son Energy Outlook de 2023, qui a également sorti une étude comme ça, et qui montrait que depuis 2020, eh bien chaque année, il y avait des actions politiques supplémentaires qui étaient mises en œuvre, ce qui fait qu'en 2022, il nous plaçait sur une trajectoire autour de 2,8 degrés d'ici à la fin du siècle, en 2023, autour de 2,6 d'ici à la fin du siècle. Donc on voit que chaque année, il y a des efforts supplémentaires qui sont faits, qui permettent de s'approcher un petit peu de la cible. Le souci, c'est qu'il y a un nouveau rapport qui est sorti cette année, c'est le Mission Gap des Nations Unies. Et lui, cette année, eh bien, il nous dit, on a observé des reculs dans certaines mesures environnementales, dans certaines politiques environnementales, et là, du coup, on se retrouve plutôt sur une trajectoire à 3,1 degrés. Donc on voit qu'on a eu un progrès là sur les trois dernières années, et depuis cette année, à peu près à l'échelle mondiale, donc c'est un recul. Donc là, c'est ce qu'on observe, plus 3,1. Donc c'est pas une inaction complète, mais bah, clairement, l'action n'est pas suffisante. Alors, effectivement, autre question sur le GIEC. Donc, le GIEC ne fait pas de recommandations, il fait des projections. Est-ce que vous pourriez peut-être nous parler du caractère un peu scientifique de la projection ? Est-ce que ces projections sont le degré de fiabilité de cette projection ? Est-ce qu'on peut estimer sur la foi de ces rapports ce que l'avenir climatique peut en découler sur le est-ce que le GIEC a vraiment une capacité véritablement à prévoir sur oui. Du temps long, 10, 20, 30 ans, ce que l'état du climat, eu égard à nos émissions de gaz à effet de serre, peut advenir. Oui, alors le GIEC est complètement capable de faire ça. Alors il faut quand même comprendre un petit peu, c'est que le GIEC, ce qu'il est capable de faire, c'est pas c'est-à-dire avec certitude le climat qui durera en 2050 ou en 2100. Une très bonne raison psychologique de prévoir ce que nous, en tant qu'humanité, on va émettre comme CO2 pendant les prochaines décennies. Donc, comme il n'y a pas cette information-là qui est nécessaire pour savoir le changement climatique qu'il y aura d'ici 20, 30, 40 ou la fin du siècle, bien ce qu'il fait, c'est que je vais utiliser des scénarios. Et ces scénarios, c'est des scénarios d'émissions qui vont dépendre ici des trajectoires socio-économiques partagées. Excuse-moi, en fait, la communication, elle est assez hachée. Je ne sais pas si vous pouvez vous déplacer pour que ça capte mieux ou pas trop bouger. Je peux essayer. Si c'est mieux, peut-être. Pas trop, non. Non. Donc, je vais sortir dehors. Des mieux ici. Ça a l'air mieux, oui. Non, c'est pas mieux. C'est pas mieux du tout. Je suis désolé, c'est l'endroit où il n'y a peut-être pas assez de réseau. Là, ça a l'air mieux, là, ouais. Là, ça a l'air mieux, ok, ouais. Bon, je ne bouge plus. Ok, super, merci. Donc je disais, oui, effectivement, le GIEC, il est capable de faire des prédictions. Le seul souci, c'est que pour ça, il a besoin de savoir les quantités de gaz à effet de serre que l'humanité va émettre d'ici à la fin du siècle. Mmh. Et donc ça, il n'est pas capable de le prédire du tout. Puisque, en fait, ça, c'est des facteurs humains. Donc là, ce qu'il utilise, c'est des trajectoires socio-économiques partagées. Donc c'est des trajectoires qui vont mêler des critères sociaux et puis écologiques également. Enfin, économiques, pardon. Et avec ça, bien, il fait des trajectoires. Donc ça, ces scénarios, ces trajectoires, ils ont des... Donc il y a deux trajectoires qui se basent sur un très fort développement humain. L'une est sur des énergies dites renouvelables, durables. L'autre plutôt plus fossiles. Donc ça c'est ce qu'on appelle la trajectoire durabilité, c'est qu'on va dans le durable. Et l'autre c'est développement basé sur les énergies fossiles. Donc forcément en termes d'émissions de CO2 entre ce CSP 1 et 5, du coup c'est leur numéro, on va pas du tout avoir les mêmes émissions d'ici à la fin du siècle. Ensuite, il y a deux autres scénarios qui sont plutôt basés sur des difficultés de développement humain. Donc là, on va avoir un scénario qu'on appelle inégalité. Là, on va avoir de grandes inégalités avec une société où il y a un fort développement technologique pour une part de la population, et puis le reste de la population reste un petit peu en marge. Et puis enfin, il y a un troisième scénario qui est les rivalités régionales. Et donc là, ce scénario-là, c'est plutôt les pays vont se concentrer sur des... Enfin, un petit peu se refermer sur eux-mêmes et se concentrer sur des protectionnismes régionaux ou nationaux. Et donc forcément, là, on a différents impacts sur les émissions également. Et puis, il y en a un cinquième qui est un scénario un petit peu au milieu de la route. Donc c'est le milieu de la route, qui est un petit peu entre ces quatre-là. Ici, en termes d'évolution du climat, il mixe ces trajectoires socio-économiques avec des trajectoires d'émission, qu'on appelle les RCP, Representative Concentration Pathways en anglais. Et donc, avec ça, eh bien, on a des scénarios qui nous donnent des émissions d'ici à la fin du siècle. Donc, ces scénarios, selon ce qu'on regarde, donc si on prend par exemple une trajectoire durabilité avec de faibles émissions, on va pouvoir être à 1,5 degré d'ici à la fin du siècle. Et si on prend par exemple le scénario développement avec des combustibles fossiles avec de fortes émissions, là, on va plutôt être sur un réchauffement qui peut aller jusqu'à 5 degrés potentiellement. Donc là, on est complètement capable d'estimer. Ce qu'on voit, c'est que, on était plutôt, sur les années précédentes, donc 2021, 2022, 2023, sur quelque chose qui était plutôt au milieu de la route. On se dirigeait entre 2 et 3 degrés. Et là, de plus en plus, on commence à aller vers quelque chose qui est au niveau des scénarios rivalité régionale. Donc avec plus de protectionnisme, plus de nationalisme, plus de choses comme ça. Donc, si je résume, donc tu m'arrêtes si je dis des bêtises, j'essaie de reprendre pour nos auditeurs. Donc, on a toute une variété de scénarios d'avenir possibles qui sont liés à des suppositions d'émissions, parce que du coup, si les États agissent beaucoup, on émettra beaucoup moins de gaz à effet de serre. Si les États agissent peu ou pas du tout, on émettra beaucoup. Et donc, du coup, on a des scénarios. Et au fur et à mesure du temps, les rapports constatent que comme notre action est insuffisante, on glisse d'un scénario à un autre vers des schémas de moins en moins enviables, en fait. Donc, du coup, ce scénario de rivalité régionale. c'est ça. Donc en fait, on était plutôt sur quelque chose au milieu de la route, vers un projet avec une amélioration progressive. Et là, c'est sûr, on se dire que c'est plutôt proche du scénario rivalité régionale. Encore une fois, c'est pas parce qu'on se dirige vers la rivalité régionale que, et là, on va y rester. Voilà, c'est possible que dans les années qui viennent, il y aura un nouveau changement et qu'on quelque chose de plus proche de la durabilité. Je me permets de couper, on a encore beaucoup de mal à t'entendre, si tu as moyen de mettre ou de retirer un casque ou de trouver une zone où tu captes mieux. Et je vais profiter de t'offrir une petite pause pour faire ma chronique. Du coup, à Attac, on s'y connaît plus en aspect financier qu'en aspect écologique, et il me semblait important de parler de moyens de financer la transition écologique, ou bien dans l'autre sens, de définancer les énergies pétrole. Pour ça, je me suis appuyé sur les vidéos du vulgarisateur Gilles Mitteau, qui rend accessible en détail dans deux vidéos de 2 heures le travail de l'ONG Finance Watch. L'idée du rapport de Finance Watch de juin 2020, c'est de faire des propositions pour contrer le risque que nous fait courir le lien entre les marchés financiers et les industries fossiles. Alors, je vais beaucoup résumer, hein, parce que là, on va passer quelques minutes dessus, mais le matériel de base fait 2 heures, et le rapport de Breaking the Climate Finance Doom Loop, qui est en anglais, fait 80 pages. Mais je vous invite, si vous avez le temps, d'aller lire le rapport ou bien d'aller voir la vidéo intitulée « Les banques face au réchauffement climatique » de la chaîne Eureka. Donc, il y a plusieurs constats à la base de la réflexion. Le premier, c'est que si on ne fait pas de virage drastique dans le fonctionnement de notre société, nous allons manquer nos objectifs de réduction d'émissions de CO2, ce qui va empirer les conséquences du réchauffement climatique, et qui dit inondation, sécheresse, famine, dit une économie qui va mal. Et oui, le financier aussi, il a un petit cœur, et si on lui dit que la bourse ira mal dans 40 ans, il peut le prendre en compte et agir. Le second constat, c'est que malgré l'accord de Paris et les COP, la pression politique pour un définancement des énergies fossiles est faible. Il n'y a pas d'action politique concrète pour le cas de l'Union européenne en particulier. Il y a une idéologie néolibérale qui dit que les politiciens ne doivent pas donner de direction au comportement de l'économie. Les marchés financiers sont juste, intelligents et beaux, il faut absolument les laisser faire leur affaire. Le dernier constat, c'est que si le politique ou les contraintes extérieures amènent à un changement trop brusque, il pourrait y avoir une crise financière sans précédent. En effet, les banques, les fonds de pension et d'investissement possèdent des billes dans l'industrie fossile, et si demain on déclare que dans 5 ans les forages pétroliers sont interdits, le commerce d'énergie fossile massivement réduit et les exploitations minières et de charbon toutes fermées, eh bien, outre le fait de faire largement plaisir à notre invité, vous aurez les 3/4 de l'économie mondiale par terre. Donc, le tableau semble noir et un peu difficile, mais Finance Watch propose des outils assez simples qui ne remettent pas en cause le fondement de l'économie mondiale pour arriver à faire migrer les investissements financiers vers une économie moins carbonée. Un des outils, ce serait une discrimination des investissements dits à risque climatique pour les banques. Pour expliquer simplement le fonctionnement, quand une banque prête de l'argent à une entreprise, sur les 100 euros qu'elle va prêter, elle ne doit n'avoir dans ses comptes que 8 euros au coffre. Les 92 euros supplémentaires sont créés pour la transaction et seront supprimés ensuite. On pourrait alors exiger des banques qui prêtent à des entreprises fossiles d'avoir un montant au coffre plus important. Si je reprends mon exemple, on dirait, si tu prêtes à une entreprise fossile, faut pas mettre 8 euros de ta poche, mais 20. Et puis dans 5 ans, ce sera 40 euros de ta poche, et puis plus tard, ce sera 50 euros de ta poche, etc., etc. Les banques seraient donc dissuadées dans ce contexte, car elles doivent mettre plus d'argent sur la table que si elles prêtaient à d'autres entreprises, pour un moins bon rendement et plus de risques de leur argent propre. Donc l'idée, c'est d'amener une incitation progressive à dire, même si les investissements fossiles sont des choses très rentables et très attirantes pour les entreprises et les marchés financiers, on va leur rendre progressivement moins attirants ces investissements-là pour qu'elles se désinvestissent progressivement, plutôt que de faire un changement de cap énorme qui mettrait la moitié de l'économie mondiale par terre. Il y a tout un cadre à établir pour savoir qui est une entreprise fossile ou non, et couper le financement par les banques, même si c'est un coup dur pour les entreprises fossiles, ça ne signifie pas la fin de leur activité. Elles peuvent se financer elles-mêmes, elles peuvent se financer via des personnes qui ont des fortunes sans passer par les banques, mais ça reste déjà un premier pas et un signal, comme on dit. On laisse un peu le marché faire, mais on peut donner des signaux au marché économique. Mais du coup, il faut aussi tenir compte que ces solutions, ça permet d'interpeller les politiques pour leur rappeler qu'il y a des options, qu'on peut faire des choses et qu'il ne faut pas rester les bras ballants face au marché financier. Et derrière, la fatalité de l'inaction, c'est quelque chose qui nous emmène vers les scénarios du pire dont on a parlé, de rivalité régionale et de trop d'émissions de CO2 par rapport à ce qu'on peut se permettre. Du coup, on va passer au sujet national. Ouais, donc on parlait, donc François, on parlait d'adaptation, d'atténuation et de risque. Est-ce qu'il serait possible un petit peu de débroussailler un peu de bien poser les termes? Oui, bien sûr. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Ça a l'air mieux. Ouais. Ok, bon, j'ai enlevé les écouteurs, donc c'est peut-être ça. Ok. Oui, effectivement, donc un risque, c'est lorsqu'on a la combinaison d'une exposition au risque et puis d'une vulnérabilité. Alors l'aléa, c'est par exemple le fait qu'il pleuve beaucoup et qui fait qu'on ait des rivières qui débordent. Donc si je prends l'exemple du risque d'inondation. L'exposition, c'est le fait qu'il y ait des personnes qui se situent dans des zones où eh bien, l'eau va monter et où ils vont se retrouver les pieds dans l'eau. Donc là, c'est des personnes exposées. Et puis enfin, il y a la vulnérabilité. Et le fait que les personnes vont se retrouver exposées au risque vont être en mesure de résister puis de se remettre de eh bien, cette aléa. Donc, c'est la chose là qu'on a un risque. Puisqu'en fait, si on n'a personne exposé alors que la rivière monte, il n'y a pas de risque pour les personnes ou pour l'écosystème, si on parle d'écosystème exposé, par exemple. Alors, ensuite, là-dessus, pour réduire un risque, il y a plusieurs solutions. Réduire l'aléa, donc éviter, par exemple, qu'il y ait trop de précipitations intenses, ou en tout cas d'éviter que les précipitations intenses augmentent en intensité, en fréquence et en durée. Et du changement climatique. Ça, c'est ce qu'on appelle l'atténuation du changement climatique, c'est limiter le changement, éviter que le changement climatique soit trop important ou que c'est. Et puis après, il y a agir sur l'exposition et sur les vulnérabilités. Et donc là, on parle d'adaptation au changement climatique. Donc là, c'est simplement de dire, je sais que je vais avoir plus d'événements météorologiques extrêmes, quels qu'ils soient, que ce soit des inondations, des vagues de chaleur, mais je vais faire en sorte de m'adapter, d'adapter les écosystèmes, d'adapter mon agriculture pour, moins d'impact, moins de conséquences liées à ce changement climatique. Pour le dire autrement, en fait, l'atténuation en fait, est une forme de paradigme qui laisse entendre qu'on vise à agir sur les causes, en fait. Avec cette idée qu'on peut encore, que tout n'est pas complètement perdu et qu'on peut rester notamment dans l'objectif qui est celui fixé par l'accord de Paris, qui est plus 1,5 degré, alors que l'atténuation est une forme d'autre paradigme. Qui consiste à dire presque en quelque sorte à entériner le fait qu'on ne peut pas. L'adaptation. L'adaptation, c'est une manière de dire finalement, on ne peut plus vraiment agir sur les causes. Donc, du coup, on va s'adapter. Mais du coup, la question se pose de savoir si on aura la possibilité de s'adapter, a fortiori, si on va vers plus 2 ou plus 3 degrés. C'est déjà compliqué de s'adapter, on le voit là, au regard des. Alors, une petite question là. De toute façon, c'est quelque chose qu'on va devoir faire. Qui se met avec un réchauffement, aujourd'hui on a plus 1,2 degrés, il y a déjà eu du changement en quelle mode. L'adaptation, ça ne veut pas du tout dire on abandonne le climat d'atténuation, au contraire. En fait, c'est quelque chose que j'aurais dû préciser, c'est que l'atténuation et l'adaptation, c'est des choses qui vont ensemble. En fait, si jamais nous ne travaillons pas assez sur l'adaptation au changement climatique, mais en fait, on va se réduire des opportunités pour atténuer le changement climatique. Donc on a moins de moyens, si on ne s'adapte pas, pour réduire et limiter le changement climatique. Et à l'inverse, effectivement, ce que je pense vous allez dire, c'est que si on ne travaille pas sur l'atténuation, le climat se chauffera, et passer les capacités d'adaptation des sociétés humaines et des écosystèmes. Donc effectivement, c'est super important de travailler sur les deux. L'adaptation et l'atténuation, parce que l'un dépend également de l'autre. Oui, on comprend facilement qu'on aura d'autant plus de mal à s'adapter que effectivement on aura un réchauffement à plus 3 degrés. Effectivement, oui. Mais le problème c'est qu'effectivement ça plus on avance et plus on voit que effectivement ça semble quand même de plus en plus compliqué quand même de s'adapter. Et en tout cas ça demande un volontarisme politique et puis toute une mise en place de politiques qui sont pas évidentes à mettre en place. Alors moi je voulais intervenir sur le cas de la France. On sait, les spécialistes ont suffisamment dit que l'Europe et la France se réchauffent plus vite que la moyenne planétaire. Je ne sais pas si vous confirmez. Oui. Et donc du coup la question se pose de savoir si éventuellement la France va subir un réchauffement climatique. France hexagonale et la Corse, est-ce que les scénarios concernant la France dans les prochaines années sont pessimistes d'après vous, ou est-ce que vous êtes plus nuancé Alors déjà, effectivement, on observe, enfin, aujourd'hui, on a déjà observé un réchauffement à l'échelle mondiale de 1,2 degrés Celsius. Et en France, on est à 1,9 d'après le Haut Conseil pour le Climat. Donc effectivement, on observe ça, que la France se réchauffe plus rapidement. Mais en fait, c'est lié à une tendance globale qui fait que, à l'échelle mondiale, globalement, les continents vont se réchauffer plus rapidement que les océans et les pôles vont se réchauffer plus rapidement que le reste du globe. Donc la France, effectivement, se réchauffe plus rapidement que la moyenne mondiale puisque la France, nous sommes situés sur un continent. Ils sont dans des régions qui se réchauffent plus rapidement que le reste du globe. Ici, si on allait voir, par exemple, dans l'Arctique, par exemple, qui se réchauffe encore plus vite que la France. Donc, tout dépend de où on se situe. Et effectivement, quand on a un réchauffement supposé, si on respecte les accords de Paris à 1,5 degré, eh bien, ça ne serait pas 1,5 degré partout pour tout le monde. Finalement, si on a atteint 3 degrés Celsius de réchauffement à l'échelle mondiale, ça nous ferait en gros 4 degrés pour la France. Au niveau des risques, pour la France, ça va dépendre de où on se situe, si je reste en France métropolitaine. Globalement, plutôt proche de l'axe méditerranéen, on s'attend à moins de précipitations sur l'ensemble de l'année. Alors, c'est évidemment, c'est des moyennes, hein, c'est possible qu'il y ait toujours des années pluvieuses, mais en moyenne, on s'attend à moins de précipitations. Par contre, ce qu'on s'attend, c'est que lorsqu'il va pleuvoir, on va avoir des précipitations qui sont plus intenses. Il va pleuvoir moins souvent, mais quand il va pleuvoir beaucoup. Donc ça, c'est pas bon, puisque ça favorise des inondations. On a beaucoup d'eau qui arrive, en plus, sur un sol qui est sec, qui est plus imperméable et donc qui va moins capter l'eau. Donc on a davantage de ruissellement, ce qui amplifie bien les impacts des inondations. On va également avoir du coup plus de sécheresse puisqu'il pleut moins souvent. L'eau qu'on va avoir, on va moins la garder. On s'attend également à davantage de vagues de chaleur sur le territoire métropolitain en France. De l'autre côté, si on prend plutôt la partie nord de la France, là on va plutôt s'attendre à une augmentation des précipitations hivernales et une diminution des précipitations estivales. Donc on va avoir une augmentation de la saisonnalité, on va avoir plus de sécheresse pendant l'été et plus potentiellement d'inondations pendant les mois d'hiver. Après, un autre problème qui est assez marqué en France, c'est les risques liés à la montée du niveau marin. Du niveau marin, elle va affecter pas mal de zones sur nos littoraux. Je pense notamment à tout le Calaisis et le Dunkerquois qui sont sous le niveau de la mer, qui sont très exposés à ce risque-là. Il y en a plusieurs autres. Celui-là, c'est celui que je connais le mieux, puisque c'est celui qui est le plus proche de chez moi. Mais il y en a plein d'autres également au niveau de la France, sur le littoral atlantique. C'est le risque de monter le niveau de la mer. On se posait une question aussi au niveau de la, comment dire, de la pyramide des âges en France. C'est que d'ici la moitié du siècle, on aura une population vieillissante. Est-ce que ce n'est pas à la fois un facteur de risque et un frein à l'adaptation ? Alors, si, complètement. En fait, comme je vous l'ai dit, du coup, un risque, c'est la combinaison d'une vulnérabilité et d'une exposition. Le problème avec les personnes âgées, c'est que ce sont des populations qui sont plus vulnérables au changement climatique, et notamment aux vagues de chaleur. On voit que c'est les personnes âgées qui sont très exposées à ce risque-là pendant les canicules. Donc on demande une vigilance particulière pour ces types de populations. Effectivement, avec des vagues de chaleur qui vont devenir de plus en plus fréquentes, de plus en plus longues et de plus en plus intenses, c'est le GIEC qui nous dit ça. Eh bien, effectivement, il y a un risque supplémentaire pour ces populations, puisque leur vulnérabilité est plus importante que le reste de la population. Très bien. Et du coup, pour le cas particulier des inondations, donc j'avais fait une introduction sur le sujet et c'est un sujet qui nous semble important pour le nord de la France. Comment on peut anticiper et atténuer ces risques d'inondations en France, outre émettre moins de CO2, ce qui semble déjà un effort à faire. Effectivement, alors, c'est pas uniquement au niveau de la France, j'ai donné que j'ai trouvé, c'est plutôt l'échelle des lacs. Tempérées qui sont équivalentes à celles qu'on a, nous, dans notre région des Hauts-de-France. On a observé qu'il y a une multiplication par 2,5 en quelques décennies des risques d'inondation. Sauf que ce que nous disent les rapports du GIEC là-dessus, c'est que les premières causes d'augmentation de ce risque d'inondation, c'est pas une augmentation de l'aléa, c'est pas le changement climatique qui est le principal moteur, même si évidemment il va jouer. Ce qui est la principale cause, c'est l'augmentation de l'exposition. C'est-à-dire que c'est l'urbanisation et c'est l'augmentation de la population dans des zones à risque d'inondation. Donc, un des moyens de lutter contre les risques d'inondation, c'est déjà de réduire cette exposition, puisque c'est le facteur principal. Après, il faut Donc là, c'est le France avec beaucoup sur les wateringues et les canaux. Effectivement, il faut améliorer le réseau de drainage, ça va avoir l'eau plus rapidement. Après, il y a d'autres options qui permettent aussi, déjà, au niveau des maisons et au niveau des entreprises, pour réduire ces risques d'inondation lorsqu'on a de l'eau. Ça va être, par exemple, de mettre au niveau des portes ce qu'on appelle des bâtards d'eau. C'est une espèce de planche que vous mettez au niveau des portes et qui va empêcher l'eau de rentrer, ou en tout cas des courants forts avec plein de boue de rentrer dans votre maison. Ça permet de réduire les dégâts. Et puis, il y a également des choses au niveau des murs. Ça va être d'imperméabiliser les murs, qui fait que, comme ça, quand l'eau arrive dans votre maison, en fait, elle est prête à accueillir l'eau en cas d'inondation. L'eau arrive, elle repart et elle ne cause pas trop de dégâts. De mettre des prises électriques en cœur et pas au sol pour vous aider à risque d'inondation. Donc ça fait partie d'une mesure de réduction, ça soit des vulnérabilités. Ça veut dire que les populations qui vont recevoir l'inondation vont être invulnérables. Là, c'est la solution. Il y a d'autres actions qui sont possibles, notamment en amont. Donc, c'est éviter, par exemple, qu'on puisse avoir de l'eau qui arrive trop fréquemment. Donc là, on peut avoir des bassins de rétention d'eau qui vont permettre de tamponner un petit peu le pic de crue. Un pic de crue, ça veut dire qu'on a l'eau qui monte, qui arrive à un pic maximum, qui redescend. Et on peut avoir des bassins de rétention pour limiter ce pic. Ça va être moins important. Le problème, c'est que cette solution reste assez limitée. Et pour l'exemple de l'an dernier, c'est des solutions, c'est toutes ces choses qui vont mettre des crues qui arrivent plus 5 à 10 ans pour les limiter. Par contre, ce qu'on a eu l'an dernier, c'est deux crues centenales au niveau, par exemple, de la Liane et du Vimereux, au niveau de Boulogne-sur-Mer. Donc là, effectivement, quand on a des crues d'importance centenale, ces solutions sont pas suffisantes puisque c'est des barrages. Il pleut tellement que l'eau finale finit par dépasser ce bassin de rétention et il n'est pas suffisant pour retenir cette quantité d'eau. Et il y a un autre enjeu là-dessus sur la distance très important, c'est le ruissellement. Parce qu'en fait, le ruissellement va augmenter les risques de crues. On va avoir une concentration des eaux plus importante en fond de vallée, là où on a la crue. Et en fait, le ruissellement, il y a des moyens également de le réduire. Et là, pour le coup, il faut vraiment agir. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué, surtout quand on connaît le contexte qu'il y a avec les agriculteurs. C'est qu'il y a un grand enjeu de l'agriculture, avec des sols pour les rendre plus perméables, leur permettre d'absorber davantage d'eau, créer davantage de haies qui vont réduire le ruissellement. Donc c'est tout un tas de travail sur l'agriculture et sur les paysages. Également restaurer des zones humides qui permettent également de stocker de l'eau. Donc ça, c'est des choses qui vont permettre de réduire l'impact des crues. Mais évidemment, ça demande un coût humain et également financier potentiellement des fois. Forcément, c'est des solutions politiques. D'accord. Je me permets juste, Morgane, avant, je vais essayer de résumer pour nos auditeurs, parce qu'encore une fois, malheureusement, les ondes ne sont pas avec nous aujourd'hui. Ouais. On vous entend pas toujours très bien. Donc, c'est des moyens, alors donc vous m'arrêtez si je dis des bêtises, c'est des moyens publics à mettre en œuvre, aussi bien au niveau des populations exposées. Donc, il faut limiter la construction dans des zones qui peuvent être à risque. Il faut reconsidérer le niveau de risque dans certaines zones et donc peut-être étendre les zones de risque parce qu'on va considérer qu'une crue centenale peut arriver à une fréquence beaucoup plus importante. On a des capacités de construire des bassins de rétention ou des barrages, mais qui ont une capacité limitée, encore une fois, qui peuvent être dépassées par des événements extrêmes instantanés. Et donc, du coup, malgré tous les barrages et toutes les constructions de rétention d'eau qu'on peut faire, ce n'est pas acquis que ça protégera à 100%. Et il y a toute la question de la perméabilité des sols, du maintien des zones humides ou même parfois de la recréation de zones humides pour absorber une part de la perméabilité des sols et donc du coup pour absorber une part de l'eau qui peut tomber très rapidement et pour éviter du coup, encore une fois, des inondations destructrices et meurtrières. Alors oui, on parle en ce moment de contestation du projet de canal Nord Seine dans la région. Le transport fluvial, est-ce que ça représente des intérêts ou plutôt des risques, une accentuation au niveau du changement climatique, outre le fait de creuser un gros sillon dans toute la biodiversité de la région? Sur ce canal-là en particulier, petite précision, moi j'ai pas spécialement d'avis dessus, mais je vais quand même essayer de vous fournir de petites informations pour que vous puissiez vous faire une idée de ce qui peut, ça peut être bien ou pas. Alors le transport fluvial, je vais commencer par ses avantages, c'est que c'est un transport qui est plutôt très bas carbone en comparaison par exemple du camion. Donc en général, quand on essaie de décarboner, c'est-à-dire de réduire l'impact du transport, donc c'est une intensité carbone, combien je vais mettre de CO2 pour réaliser mon transport, eh bien, le fluvial a quand même de gros avantages puisqu'il est assez proche du ferroviaire, mais plutôt dans des solutions bas carbone. Même si vous utilisez des camions électriques ou à hydrogène, vous allez être au-dessus de cet impact potentiellement du fluvial. Une des raisons, c'est la massification. Vous transportez beaucoup sur un bateau. Donc votre bateau, même s'il émet beaucoup, en fait, quand on rapporte à la quantité transportée, c'est moins important qu'un camion. Donc ça, c'est mon côté bénéfique potentiel de ce fluvial. Quand effectivement, il faut être présent sur chaque fois qu'on a des solutions comme ça qui arrivent, c'est ce qu'on fait, c'est rebondir. En fait, si ça vient remplacer un câble, c'est bien. Par contre, si jamais ça vient s'ajouter en plus, là, effectivement, on est dans l'effet rebond. Et donc là, c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire. Donc là, le petit risque, effectivement, d'avoir ce canal Seine-Nord, c'est Nord-Europe, c'est ça, je sais plus le mot exact. Et puis, c'est qu'effectivement, on est un ajout de fret qui viennent liés à ce canal. Donc là, ce qu'il faut être vigilant, selon moi, c'est plutôt de regarder à quel point ce canal va permettre de remplacer des camions pour les mettre sur des bateaux, pour transporter des marchandises, et à quel point potentiellement augmenter l'impact, le transport sur cet axe-là. Donc éviter d'augmenter le transport, mais en remplacement, ça peut être intéressant. D'accord, très bien. Donc ce serait une même logique qu'on peut... Ce serait une même logique qu'on peut appliquer, par exemple, à l'aviation, quand tout le monde nous promet des avions à hydrogène. L'une des questions, c'est de dire si l'avion à hydrogène fait 30% de moins d'émissions, mais qu'on en utilise 80% plus, on n'aura rien gagné ou on aura même perdu. Alors, complètement. Alors, sur l'avion, c'est encore plus grave que ça. Parce que, sur l'avion, il y a plusieurs problèmes. Pour l'aviation, je pourrais parler un petit peu. L'aviation, on a comme carburant alternatif, carburant ou moyen alternatif, on a le biokérosène, donc qui est de dire je vais mettre un carburant renouvelable au lieu de mettre un carburant fossile, donc ça demande de faire de l'agriculture. Alors le problème de ces carburants renouvelables, c'est qu'ils vont avoir un gros bénéfice sur le changement climatique, mais ils vont avoir de nombreuses contreparties sur ce qui est la biodiversité. On a besoin d'usage des sols, on a besoin de faire de l'agriculture pour faire ça souvent. Et même si on utilise des déchets, en pratique, c'est pas tout à fait ça qui se passe. Donc on a plutôt un effet négatif sur la biodiversité avec ces biocarburants. Ça, c'est traîner de... traîner des espèces de petits nuages qui vont être à la base pour faire des voiles de cirrus, qui sont des nuages de très haute altitude, assez fins. Et ces nuages, en fait, ils vont avoir un réchauffement climatique. Ils vont entraîner un réchauffement climatique qui est très important. Donc là, on ne parle pas de CO2. On parle de, alors j'ai le terme anglais, short-lived climate forces, qui va avoir un effet très court, mais très important. En fait, c'est tellement un réchauffement à cet instant où on a ces traînées de condensation que cet impact, eh bien, on va générer entre la moitié et les deux tiers du réchauffement climatique créé par l'aviation sur 100 ans. Même quand on regarde sur 100 ans, cet impact qui peut paraître très court et qui peut paraître dérisoire, eh bien, en fait, il est très très important, même quand on regarde le changement climatique par un vol sur 100 ans. Donc là, on a ça, les biocarburants ne permettent pas de réduire ça. Donc on ne pourra pas réduire de plus que la moitié, entre guillemets, cet impact de l'aérien. Ensuite, si on prend l'autre alternative, qui est l'électrique, le problème, c'est que ça ne permet pas de faire des vols long courrier, la technologie, elle n'est pas disponible. Et puis enfin, on a l'hydrogène. Et donc là, l'avion à hydrogène, il y a plusieurs problématiques avec ça. Le premier, c'est que la technologie n'est pas prête non plus. Il y a Airbus qui a annoncé il y a quelques années qu'il s'attendait à avoir le premier vol à hydrogène d'ici à 2035. Autant vous dire que c'est pas pour demain. Autre problème de l'hydrogène, c'est qu'il y a des estimations qui ont été faites, c'est que si on voulait remplacer la flotte actuelle d'avions par des avions à hydrogène, il nous faudrait plus que la capacité totale de production solaire pour produire l'hydrogène. Que la capacité solaire actuelle, je veux dire. Donc, autant vous dire qu'on va avoir un problème de création de cet hydrogène et un problème énergétique. Donc après, c'est un choix qu'on peut faire. Hein. Est-ce qu'on veut que ce soit que des personnes qui prennent l'avion, qui utilisent cette électricité solaire, ou est-ce qu'on la préfère l'utiliser pour autre chose? Là, c'est pas décidé, mais bon, voilà. Oui, c'est... Donc, effectivement, il y a ce problème avec l'aérien. Et cet hydrogène, comme il n'y a pas encore eu d'avion qui ont volé avec ça, on a un peu du mal à avoir un retour sur quel va être l'impact des traînées de condensation via l'hydrogène. Donc ça, on ne sait pas. Donc si ça se trouve, ça ne permettra pas de réduire suffisamment non plus. D'accord. Okay. Morgane, du coup. Oui. Là, on va aborder la question de l'acceptabilité des mesures, en fait. Donc, on a parlé là longuement des inondations, notamment dans le Pas-de-Calais. Récemment, aux États-Unis, il y a eu des ouragans, des tempêtes qui ont dévasté la Floride. Pourtant, par exemple, aux États-Unis, ça n'a pas empêché la Floride de voter républicain. Ici, en France, on a des zones qui subissent de plein fouet des conséquences du réchauffement climatique. Et est-ce que ces catastrophes suffisent pour que les gens votent pour des partis qui vont proposer les meilleures solutions au niveau de l'adaptation et atténuation des changements climatiques? Alors, clairement, non, c'est un petit peu dans notre question. En fait, on a observé dans le papier que les villes qui étaient les plus affectées par les inondations, elles ont voté assez massivement en Rassemblement national. Et clairement, le parti en France qui n'ont plus rien à faire du changement climatique. Donc, clairement, des climato-sceptiques dans cette partie-là. On a vu des interviews récentes, notamment de ce parti-là, qui ont clairement des propos climato-sceptiques. Et donc, c'est des gens qui. Une fois qu'il y a des catastrophes, on ait des solutions et qu'on ait de la pédagogie auprès de ces personnes pour qu'elles comprennent ce qui leur est arrivé et comment on peut faire pour que ça ne leur arrive plus. Et ça, c'est s'il n'y a pas cet accompagnement-là, cette sensibilisation aux enjeux, effectivement, ce seraient des gens qui vont voter pour des solutions qui vont aggraver leur problème. Alors, outre l'acceptation sociale, qui est un vaste problème, on pourrait même faire une émission entière sur cette question. Et on peut se demander si vraiment la pédagogie fonctionne. Est-ce que vraiment il y a. C'est un autre problème. Alors peut-être qu'effectivement, peut-être une des solutions, c'est peut-être malheureusement que le réchauffement climatique vienne chez vous. Et on l'a vu à Valence, malheureusement, avec cette catastrophe qui a fait plus de 200 morts. Et du coup, la question aussi qu'on peut vous poser qui est orthogonale à la question de l'acceptation sociale, c'est la question de la prise en compte de la question des alertes. Comment est-ce qu'on peut véritablement... Est-ce qu'il y a un système d'alerte qui est suffisamment efficace? On l'a vu à Valence, qu'il y a une polémique justement sur le fait qu'a priori, il y aurait eu une forme de difficulté pour vraiment alerter les populations. Il y a eu des arbitrages qui ont été faits, les intérêts économiques ont prévalu, notamment certaines entreprises ont dit à leurs salariés de rester alors qu'effectivement elles étaient en danger. Donc est-ce qu'il n'y a pas là un élément là de qui pourrait éventuellement poser problème? Là je parle du cas de Valence, mais on pourrait parler aussi du Pas-de-Calais. C'est comment véritablement cette question du dispositif d'urgence, il est pensé, est-ce qu'il est véritablement en France notamment, est-ce qu'il est pour vous en tout cas suffisamment efficace si d'aventure on avait des catastrophes comme celles qu'on a connues à Valence? Alors, sur cet aspect-là, au niveau des systèmes d'alerte, je ne parlais que de mon expérience à moi, parce que je commence à sortir un peu de mon domaine d'expertise, les systèmes d'alerte, mais... Du coup, j'étais dans des zones où on avait des inondations, donc il y a eu des inondations où je vis. Mmh. Et effectivement, on reçoit des messages assez en amont des précipitations et des risques de crues. Donc ça, effectivement, on avait une alerte sur le téléphone qui faisait sursauter tout le monde d'ailleurs parce que ça bipait super fort, même avec un téléphone en silencieux. Donc là-dessus, on a ces alertes qui arrivent. Alors, si j'ai bien compris, c'est quelque chose qui arrivait très tard. Effectivement, si les populations sont préparées, eh bien, il peut se passer ce qui s'est passé à Valence, c'est-à-dire qu'on a des morts. Alors après, l'ampleur de la catastrophe qui est à Valence, elle est beaucoup plus importante que dans le Pas-de-Calais. Il y a eu un courant qui a emporté des personnes. On a eu moins et on a effectivement beaucoup moins de victimes dans le Pas-de-Calais qu'il y a eu à Valence. Alors, est-ce que c'est pour le coup plutôt le problème des alertes qui a permis aux personnes de s'abriter dans le Pas-de-Calais et pas à Valence? Ça, pour le coup, je suis pas capable de vous dire. Donc, je vais pas vous dire de bêtises là-dessus. Mais on est venu. Merci. Pardon. Une dernière question qu'on avait sur l'acceptabilité de mesure, c'est les moyens à mettre en place. On a déjà un petit peu parlé. Il faut mettre des moyens financiers importants. Et puis, du coup, pour le niveau politique, c'est une question d'arbitrage. Comment on peut justifier ? Est-ce que c'est un frein aussi de devoir justifier auprès des administrés que, en fait, il y a un budget disponible et on va devoir consacrer une grande partie à des aménagements et à des moyens de protection. Au niveau du budget, il y a beaucoup de l'acceptabilité des mesures. Comme l'évaluation du changement climatique. Donc, il y a un critère qui est déterminant pour qu'il y ait une acceptabilité de ces mesures, c'est que ces mesures soient équitables et perçues comme justes socialement. En fait, si on ne fait pas, on travaille pas là-dessus sur le fait que on ait une amélioration de l'équité et de la justice sociale, on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile de faire accepter aux personnes des mesures qui peuvent paraître contraignantes des fois. Si on prend l'exemple de la taxe carbone qui a été un des facteurs pour le déclenchement des gilets jaunes il y a quelques années, c'est une mesure qui avait pour but de limiter le changement climatique en partie, il n'y avait pas que ça, mais qui était une mesure d'atténuation. Elle a été injuste socialement et donc elle n'est pas passée. Donc effectivement, c'est un critère qui est hyper important. Et même en résumé aux décideurs, dans les rapports du GIEC, qui répètent équité, inclusion et justice sociale. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très important. S'il n'y a pas de justice sociale, il n'y aura pas de suffisamment importantes qui seront mises en œuvre. Et ça se comprend très bien puisque on pourrait se dire pourquoi moi je ferais des efforts alors que j'ai Bernard Arnault qui prend son avion et qui émet beaucoup plus que moi en une journée. Enfin, beaucoup plus que moi sur un an en juste une journée. Donc il faut effectivement que les personnes qui font les efforts aient l'impression que ça, les efforts, c'est pas trop et pas juste. D'accord, donc on souligne de façon importante cette équité, cette égalité de traitement, et du coup, comme vous l'avez dit juste avant, toute la partie pédagogie, explication, pourquoi il y a eu... un événement... Donc effectivement, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils perçoivent ça comme juste et équitable. Et il faut qu'ils aient quelque chose à y gagner et qu'ils comprennent que, par exemple, le fait de s'adapter en dépensant un petit peu d'argent dans une solution, ça va leur permettre à eux d'être plus en sécurité et de gagner sur quelque chose. En fait, c'est quelque chose, on a toujours l'impression que c'est un petit peu sûr d'agir pour le changement climatique. En tout cas, pour lutter contre le changement climatique. Et il y a quand même de gros bénéfices sur certaines zones, notamment en matière de bien-être. Il y a beaucoup de bénéfices sur bien-être, du co-bénéfice, qui vont être gagnés grâce à ces mesures d'adaptation et d'atténuation. Donc, ce qui est important, c'est aussi de mettre ces choses-là en valeur, puisqu'il ne faut pas que les personnes aient l'impression que ça va juste être un peu récessif. Il y a ce problème. J'allais dire surtout qu'il va y avoir un côté un peu contre-intuitif, c'est-à-dire on demande aux gens de faire des efforts à court et à moyen terme, sauf que les effets négatifs du changement climatique, de toute façon, on va les subir. Donc d'un côté, on leur demande de faire des efforts, mais ils vont quand même souffrir du fait du changement climatique, en fait. Oui, exactement. Et d'ailleurs, là-dessus, c'est quelque chose qui est bon pour les domaines économiques, c'est assez difficile. Prendre conscience, j'ai envie de dire, c'est que le coût de l'inaction est supérieur au coût de l'action. Donc ça veut dire que le coût pour agir, pour limiter le changement climatique et bien s'adapter, donc réduire l'impact du changement climatique sur nous, bien il est inférieur aux dégâts qui vont être causés et à l'argent qu'on va devoir dépenser pour réparer les dégâts du changement climatique. Donc il y a un bénéfice, c'est quelque chose qui est important à montrer. Notamment, par exemple, les investisseurs qui sont eux qui vont pouvoir investir pour la situation et l'adaptation. Michel Barnier, si vous nous écoutez, effectivement, parce que là, on va parler peut-être plus de politique, mais effectivement, de toute évidence, là, on a un gouvernement qui a plutôt choisi l'austérité, en tout cas de penser les choses plutôt à court terme plutôt que sur de long terme, vu effectivement les renoncements et les coupes budgétaires qui sont en train d'être discutés, qui sans doute vont être actés bientôt via 49.3, mais ça, c'est un autre sujet. Sujet pour bientôt.

Mais ça n'a jamais été le cas, en fait. Elles se sont poursuivies à bas bruit, au point même qu'elles seraient sur le point d'aboutir dans la plus grande opacité et que l'accord UE-Mercosur pourrait être annoncé comme définitivement conclu dans les semaines à venir. Donc c'est pourquoi Attaque France a signé la lettre ouverte à Emmanuel Macron et Michel Barnier avec 40 autres associations. Lettre à lire sur le site d'Attaque. Et au niveau national, toujours sur le site d'Attaque, on a le décryptage d'Attaque du projet de loi finances 2025. Du coup, qui sera le sujet de notre émission de décembre. Mais voilà, si vous voulez déjà savoir l'avis d'Attaque sur le projet de loi finances, vous pouvez consulter un article sur le site d'Attaque. Deux événements ce week-end qui se passent en même temps que cette émission. Donc les rencontres de l'Alliance écologique et sociale des 15 et 16 novembre 2024 à Paris. Donc c'est deux jours et de formation d'échange pour faire connaître nos campagnes, nos actions et nos victoires. Mieux connaître et échanger sur nos pratiques entre les différents membres de l'Alliance écologique et sociale. Et construire ensemble une feuille de route pour les mois qui viennent, qui seront décisifs pour faire gagner une alternative de justice et d'écologie. En lieu et place du libéralisme économique et de l'extrême droite. Donc du coup, c'est une rencontre des comités locaux de France de l'AES sur le week-end du 16 au 17 novembre. Nous, à Attaque Lille, on a notre représentant Didier Delinotte, que vous avez l'habitude d'entendre sur ces ondes, qui représentera l'Attaque Nord. Ensuite, un deuxième événement, une deuxième rencontre, c'est la rencontre des comités locaux d'Attaque, de comités locaux au niveau national, et ça se passe à Paris. On a deux de nos membres, Monique et Christian, qui animent un atelier sur la gratuité des transports en commun et sur l'étude menée sur la gratuité des transports en commun à l'échelle de la MEL avec l'Université de Lille pour la mobilité des Roubaisiens. Et on y rebondit sur le sujet local. Oui, alors au niveau local, il y a tout d'abord une restitution publique de l'étude dont tu as parlé donc sur Roubaix, donc avant la fin de l'année avec les participants et les élus locaux. Donc cette restitution, pour l'instant, il n'y a pas encore de date. Par ailleurs, donc Attaque Lille va continuer à faire son cinéma au cinéma L'Univers. Prochaine séance, le film Béziers, l'envers du décor, film documentaire de Daniel Cup Fernstein. Ce film aborde à travers donc ce film le journal du Biterrois, la gestion de la ville donc par Robert Ménard, donc qui, comme vous le savez, a été élu maire dès 2014 avec les voix du FN, donc un film publicité par Attaque. Pour l'instant, il n'y a pas encore de date pour ce film. Outre ce projet de projection, il y a aussi un projet de débat public avec Eric Boquet, qui était notre invité du mois précédent, donc un débat public qui portera donc sur la question de la dette et qui mettra à l'honneur donc son ouvrage La dette à perpète. Et puis par ailleurs, Angle d'Attaque a une deuxième émission ce mois, ça sera l'émission du 30 novembre, et l'objet de cette émission portera sur les résultats des élections américaines qui a vu la victoire de qui vous savez. Et on aura peut-être à la faveur de cette émission un intervenant spécialiste des questions américaines, en l'espèce ici un professeur agrégé au lycée Federbe. Voilà. Non. Sous réserve, bien sûr, de son acceptation. Voilà, donc trois dates qui vous seront peut-être annoncées dans cette prochaine émission quand on aura les lieux et les horaires de définis. Un agenda militant ? Oui. Alors, je vais commencer par une rencontre autour du guide du manifestant arrêté. Donc, ce sera le mercredi 20 novembre à 19h où Justine, Mathieu et Louis, tous trois délégués régionaux pour le syndicat de la magistrature, seront à la librairie Le Bateau Livre pour nous parler de la nouvelle édition actualisée du guide du manifestant arrêté. Donc, c'est un petit guide qui vous explique vos droits et le déroulement légal des procédures. Il vous propose aussi des conseils pratiques pour savoir comment réagir au mieux face à chaque situation. Donc ça sera au Bateau Livre, 154 rue Lyon-Gambetta à Lille, le mercredi 20 novembre à 19h. Et donc ce même jour, le 20 novembre, mais à Liévin, le collectif antifasciste du bassin minier invite Hugo Paletta, sociologue, auteur de nombreux ouvrages sur le fascisme, animateur du podcast « Minuit dans le siècle » et coordinateur de l'ouvrage commun « Extrême droite, la résistible ascension » de l'Institut de la Boétie. Donc rendez-vous le 20 novembre à partir de 18h au lieu autogéré de Liévin, 23 avenue Jean Jaurès. Et donc, vous pourrez également rencontrer cet auteur à Lille le mercredi 4 décembre à 19h à la librairie Café Le Biglemois, 124 rue Pierre Le Grand à Lille. Ensuite, écrire dans la Révolution, révolutionner l'écriture. Donc, c'est pour initier un cycle de réflexion sur la traduction. Et donc, c'est l'Anamorphose qui vous invite à vous frotter aux positions et à l'œuvre d'Anna Gricky, poétesse et militante communiste engagée dans la lutte de la libération nationale algérienne. Dans un texte polémique, elle défend la pertinence d'écrire en langue française en Algérie après la colonisation, mais pas que. Ça sera l'occasion de discuter des enjeux de pouvoir qui traversent les langues, leur expression et leur diffusion, du multilinguisme au contexte post-colonial, du mépris en littérature, d'identité plurielle en lutte et de la traduction comme relais possible. C'est donc à l'Anamorphose, au 48 rue du Lompeau à Lille. L'association Survie Nord vous invite à une rencontre débat avec Fabien Lebrun qui présentera son nouveau livre « Barbarie numérique, une autre histoire du monde connecté » donc aux éditions L'Échappée. C'est une enquête implacable sur la tragédie que vit le Congo, cœur des industries numériques et objet de toutes les convoitises. Donc ça sera le samedi 30 novembre à 15h au Café Les Sarrasins, 52 rue des Sarrasins à Lille. Et pour finir, le jeudi 19 décembre à 18h, à l'auditorium du Palais des Beaux-Arts, hein, donc rue Valmy à Lille, une conférence sur le thème mythologie économique néolibérale et la manière de les défaire. Donc avec Laurent Cordonnier, que vous connaissez très bien, qui est déjà venu plusieurs fois dans notre émission. Et ça sera en collaboration avec l'Université populaire de Lille. Et donc le thème, hein, c'est l'idéologie néolibérale reste dominante au sens où elle constitue la référence lorsqu'il s'agit de définir les politiques économiques, des politiques économiques tenues pour le réaliste ou raisonnable, rechercher l'équilibre budgétaire et réduire la dette publique, baisser les impôts, couper les dépenses de l'État, laisser une plus grande place au secteur privé, etc. Elle perdure depuis 40 ans et elle n'a pourtant connu que des échecs sur le plan de l'efficacité économique, où elle était supposée se placer, et donc comment lui résister. Donc ça sera à tout vous, et vous pouvez retrouver ces rendez-vous et d'autres sur le site lille.demosphère.eu. Et voilà. Je permets d'ajouter, avant de rendre l'antenne, on n'a pas eu l'occasion de l'évoquer, il nous reste quelques minutes, mais il y a des régions qui se mobilisent pour l'adaptation au changement climatique, et dans une vidéo publiée par le Média Blast, qui nous a servi d'inspiration pour la préparation de cette émission, qui s'appelle « Inondation meurtrière en Espagne, le pire est-il à venir ?» avec comme invité Christophe Cassou, qui est climatologue, et Magali Regueza, j'ai peur de mal le prononcer, qui est géographe. Et une des initiatives relevées, c'est l'initiative Paris 50 degrés, qui a pour vocation, avec la région parisienne et la mairie de Paris, d'identifier les risques, les difficultés, les dangers d'une météo à 50 degrés. Et dans les échanges, les différents intervenants proposent pour chaque région à risque, de discuter de qu'est-ce que ça veut dire pour ma région, pour ma ville, 500 mm de pluie en une journée, qu'est-ce que ça veut dire 50 degrés pour ma région, pour ma ville, et qu'est-ce que ça veut dire une montée du niveau de la mer de 50 cm, 70 cm ou 1 mètre. Et je pense que là, il y a des outils locaux dont les politiciens peuvent se saisir, et qui permettrait de se rendre compte, de communiquer aux citoyens directement les conséquences possibles du réchauffement climatique à court terme. Réellement, on parle de choses qui peuvent nous arriver dans les 10 à 20 prochaines années. Okay. Bon, on va finir là-dessus. Tout à fait. Et donc, on se retrouve le 30 novembre, hein, c'est ça ? C'est ça, oui. À midi, toujours sur Radio Campus. Donc, passez une bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.